aussi fine, aussi. C'est un outil qui est adapté à la maison qui l'accueille aussi. Mais moi, je n'ai vu. Enfin, pour moi, comme c'était ce qui a été adopté pendant ces 10 dernières années. Quoi. Oui, vous avez différents formats. Vous avez l'XML TEI. L'XML, c'est un format. Après, TEI EAD, c'est entre guillemets un schéma, quoi. Enfin, un schéma, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais. La seule hésitation qui aurait pu y avoir lieu, c'est de voir si on limitait, s'il fallait pas prendre tout SGML et si on pouvait limiter à XML, apparemment. Ça, c'est parce que XML est un sous-ensemble d'un GML, donc peut-être qu'il y avait des fonctionnalités dont on avait besoin dans un GML mais qu'on n'a pas dans les différents XML. Apparemment, c'est pas le cas. Bah, l'AD, il donne une structure, il décrit un fond. Par exemple, la TU, elle va décrire un document. Comme c'est les mêmes formats, c'est des formats qui peuvent se relier. Enfin, c'est des descriptions différentes, mais qui peuvent se relier. Mais moi, honnêtement, je suis utilisatrice principalement. Je suis pas informaticienne. Vous expliquer les autres possibilités, etc., c'est un petit peu plus dur pour moi. Moi, je le vois du côté assez utilisateur. Je vois que ça marche très bien. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent au niveau des formats. Est-ce que ces données sont reprises dans Data? Oui, justement, je comptais en parler. Ça va. Non, non, pas du tout. Mais donc c'est un format. Par exemple, ça nous permet d'être les fonds qui sont décrits dans l'archive manuscrit sont intégrés dans le CCFR. Je ne sais pas si vous connaissez le CCFR. C'est un catalogue collectif des catalogues français. Donc vous trouvez beaucoup de choses dans ce catalogue, bibliothèques municipales, les grandes institutions, qui permettent de faire une recherche croisée aussi. Donc c'est intéressant. Et donc les fonds décrits dans BAM sont récupérés par le CCFR. Donc c'est un premier mode de réutilisation de BAM. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà par BAM, ils sont déjà beaucoup plus visibles et donc diffusés que par rapport à un fonds qui est noyé ou noyé dans le catalogue général ou pas traité dans le catalogue général parce que le catalogue général ne peut pas restituer le côté archive du fonds. Archives et manuscrits, honnêtement, il faut aller un petit peu le chercher. Les gens, je ne suis pas sûre qu'ils aillent forcément chercher archives et manuscrits. Et justement, ce qui est. Je ne sais pas si vous connaissiez. Je ne sais pas si vous avez déjà consulté ce catalogue ou vous l'avez vu, je n'en sais rien. Mais bon, les gens ont tendance à aller. Les lecteurs ont tendance à aller directement au catalogue général. Et justement, la dernière évolution qui est très intéressante pour nous et nos fonds, c'est justement data.bnf.fr qui repose sur le principe du web sémantique et en fait qui va lier articuler les informations disponibles dans nos différents catalogues et dans Gallica. En fait, pour vous, il va croiser. Et du coup, data est un outil un outil très simple à utiliser. Et là, je pense effectivement que Archives et Manuscrits et nos fonds vont avoir encore une meilleure visibilité. Donc data, je vous ai donné le lien ici. Comme je disais, je ne suis pas informaticienne, donc je vais vous renvoyer moi je vous l'explique très simplement pour moi, ce qu'est le web sémantique. Data, c'est des fonds en format des catalogues en format différent. Data se charge de lier pour vous et d'articuler les résultats. Si vous voulez quelque chose sur Apollinaire, Data va vous sortir tout ce qui existe dans le catalogue général, ce qui existe dans Archives et Manuscrits, ce qui existe dans Gallica. Il va vous effectuer des tris déjà, et il va aussi vous fournir des informations relatives à Apollinaire, des gens qu'il a croisés dans des personnes en relation avec lui, d'autres documents avec lui. Donc c'est un outil de travail très intéressant et qui met vraiment en valeur Archives et Manuscrits. C'est surtout qu'en fait data.bnf.fr permet de relier toutes ces données avec d'autres polymères qui seraient quand même dans le monde. C'est le but du web sémantique, voilà. C'est vraiment de créer ces articles, de créer des interconnexions. Alors après, un informaticien serait ici, il expliquerait un autre principe du web sémantique, c'est l'interopérabilité. des questions de format différents, de choses comme ça. Ça, moi, je peux difficilement vous l'expliquer de façon très claire. Ce que je peux résumer, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est de, à travers le web, des données qui existent déjà, faire en sorte que ces données se croisent intelligemment, se structurent en résultat pour vous, à votre place. Parce qu'en fait, actuellement, une page, vous cherchez sur Google, vous avez des listes de résultats, plus ou moins en rapport, vous avez tapé un mot-clé, il va vous retrouver. Ce nouveau web, je crois que ça s'appelle le web 3.0, je crois, lui va vous les structurer de façon plus intelligente et pertinente. Si j'ai tout bien compris, hein, pour l'instant c'est encore un petit peu neuf, etc. Mais en tout cas, Data, si on resserre le sujet à Biotech Nationale, Data fait très bien ce travail. Alors Data, il est tout récent, il a été lancé en décembre 2011, je crois. Donc il est encore tout récent, il n'y a pas encore tout. La Biotech Nationale a procédé par des choix, hein, tout d'abord, sur des gens, des personnes très connues, des titres très connus, etc. Mais vous avez un index par personne, par sujet et par, je ne sais plus, le troisième index. Vous avez trois types d'index, vous pouvez chercher par sujet, notamment. Partie de Pouille, certainement. Auteur, un sujet, voilà. Et ça, il est très efficace. Le bémol, c'est l'index, qui est une longue liste de lettres avec des pages infinies. Donc ça, je pense qu'ils vont améliorer ça au fur et à mesure. Mais moi, ce que je vois, c'est pour archiver les manuscrits, c'est que c'est très... ça accentue la visibilité. C'est pour ça qu'en tout début, je vous ai présenté déjà comment aller archiver un manuscrit, parce que il n'est pas forcément très, très connu. Voilà. Donc ça, c'était le côté un petit peu publicitaire. Alors, je vais faire juste un point que j'ai abordé au fur et à mesure. Donc, je vous décrivais les fonds. Hein. On n'y décrit pas les fonds édités. On ne peut pas décrire les substituts numériques. C'est-à-dire, les numérisations, c'est pas ça qu'on décrit. On décrit toujours l'original. On renvoie vers un objet numérique, mais il n'est pas décrit. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui serait très sur la technique, la pérennité du format, etc., ça, on lui dit pas comment il est fabriqué. Et il permet d'indexer, mais nous, on se conforme à une DTD qui nous dit d'utiliser des référentiels nationaux standardisés, normés. Mais rien ne vous empêche chez vous de créer un instrument en XML EAD, et de créer votre index vous-même, de vous renvoyer à rien, du tout. Dans un compte, vous faites ça pour vous, vos archives, si vous n'avez pas l'intention de les faire, de les déposer à une institution, etc., ça ne pose pas trop de problèmes, c'est juste pour vous. Mais si vous voulez déposer vos archives dans le but de les faire publier, conserver, numériser, c'est un peu embêtant. Mais c'est un format excellent qui est très souple. Hein. Vous pouvez créer vos balises vous-même, etc. C'est pour ça qu'il y a un guide qui a été créé, quelle balise pour décrire quoi. Et essayer d'avoir tous les mêmes pratiques. Aussi le but de ces questions d'interaction d'instruments de recherche. Qu'on sache, et puis que dans une autre langue, vous écrivez en français, mais dans n'importe quelle langue, le FISDESC sera toujours la description matérielle. Quel que soit le pays où vous lisez cet instrument de recherche, vous savez que les données qui sont inscrites relèvent de l'information, de la description matérielle, une description matérielle, et plus vous balisez votre... Parce que le premier exemple que je vous ai donné, j'avais fait simplement une chaîne de caractères dans la balise de description matérielle, 143, etc. Donc ça, c'est ma langue maternelle, mais c'est pour ça qu'on a intérêt à diviser une balise pour le nom d'unité, une balise pour le type du support, une balise pour le type, pour la langue, et ainsi de suite, de vraiment d'encoder au maximum les informations. Parce que dans cette perspective d'exportation, de lecture par quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous ou quoi que ce soit, lui, il sait que cette balise, elle veut dire telle chose. Donc, pour lui, c'est très clair. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce qui est décrit. En fait, j'imagine un cas. J'ai un des anthropologues qui veut déposer ses fonds, d'accord, qui a fait des enregistrements, etc., qui a des photos, etc., mais qui ne maîtrise pas XML, compagnie, etc. Donc, quelle est la solution que vous proposez pour lui, enfin, justement pour quelque part faciliter votre travail d'archivage après? Est-ce qu'il y aurait une espèce de document qui accompagne le document qui donne, où il y aurait justement les rubriques à qui seront après. Je pense que l'essentiel, c'est de rencontrer le chercheur, de travailler ensemble. Oui, mais... Et après, lui expliquer comment ça fonctionne, qu'il sache comment ranger ses données. Mais est-ce que, par exemple, c'est envisageable pour vous d'avoir quelque chose, un document qui accompagne la source que vous archivez, d'accord, mais qui soit rédigé dans un format qui, pour lui, est plus accessible, mais qui comprend les données que vous recherchez après quand il s'agit de faire l'archive. Après, nous, on va le réadapter à notre... Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que si vous avez, une sorte de formule, manuel de référence. Comme une espèce de formulaire, c'est ça. Un formulaire. Ça ne doit pas être difficile. Ou d'une manière plus générale, parce que c'est une question vraiment qui me donne à l'esprit aussi sur cette stratégie d'indexation. C'est très important d'avoir du recul. Et là, j'ai l'impression que vous proposez, c'est de dire que le travail de documentaliste va aller vers le chercheur pour aider à faire ce travail-là. Dans les sens. Et pour anticiper, voilà, le travail, c'était pour les gens qui produisent des données. Voilà. Comment on peut anticiper et aller vers le... Préparer les données, c'était aussi le sujet d'une journée d'études qui a eu lieu hier. C'est qu'effectivement, il doit y avoir un double mouvement. Ouais. C'est que les chercheurs ne doivent pas rester isolés avec leurs fonds, d'avoir des données en vrac et pas savoir quoi aller. Enfin, faire leur production, mais que leurs archives ne soient. Après, restent comme ça, pas structurées. Mais après, l'idée, c'est de préparer. Enfin, on peut admettre que pendant 40 ans, on est. On a accumulé des données en vrac. Mais après, est-ce que c'est envisageable de faire un travail de préparation avec vous, pour vous, mais qui n'implique pas toutes les capacités techniques dont on aurait besoin? Mais on ne demande pas ça à quelqu'un qui dépose. On va l'aider dans l'inventaire de ses fonds, déjà, savoir ce qu'il nous dépose, et le plan de classement, puisqu'en fait, il s'agit de vous parler d'un plan de classement et non pas d'un instrument de recherche. Le plan de classement, on va lui en proposer un, on va en discuter, et on va l'établir pour que ça corresponde à ce qu'il veut. Parce que bon, là, je vous ai montré beaucoup d'instruments de recherche, les collecteurs ne sont plus. Mais avec des fonds comme ceux de l'IMEB, de l'IHUSI, c'est-à-dire les policiers, dans le futur, les ESLO, etc., c'est un travail de collaboration. Vous avez des archives, elles sont faites, elles sont importées telles qu'elles sont. Bon, l'ESLO, c'est déjà très structuré, il y a déjà le travail de fait, déjà, qui simplifie beaucoup les choses. Hein. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir des fonds un petit peu... Enfin, j'ai le cas d'un compteur qui veut déposer, enfin d'un collecteur de comptes qui veut déposer. Bon, il m'a dit, c'est mes archives, elles sont dans des cartons. Dans ces cas-là, nous, il faut absolument quand même qu'on ait un inventaire très matériel, strictement matériel des fonds. Mais bien sûr, là, ça va reposer sur une collaboration pour établir un plan de classement. Et nous, après, on se charge de le rentrer. Mais il y a une consultation pour établir ce plan de classement. Et je vais vous poser une dernière question idiote. Imaginons qu'on ait des enregistrements, donc des documents sonores. Est-ce que ça existe? Peut-être ça n'existe pas. Est-ce que vous proposez, par exemple, un système qui permet de nommer les documents de façon à ce que ce soit le plus transparent pour vous après et le plus commode, on va dire, pour l'archivage? Ça, au niveau du nommage, ça, je demanderais peut-être plutôt à Pascal, parce que moi, je prends les documents qui sont déjà identifiés et tout ça. On essaie de donner des préconisations, là aussi, aux chercheurs pour nous faciliter, enfin, surtout d'avoir une homogénéité du nommage, en fait, après quel qu'il soit, si on a une tableau de correspondance, on peut s'y retrouver. Mais effectivement, dans le même temps qu'on demande un peu avoir une sorte d'organisation, un classement des archives, de réfléchir aussi à un hommage des documents. On prend le cas du CREME, du Musée de l'Homme, ex-Musée de l'Homme, et maintenant au Centre de recherche avec la musicologie. C'est vrai qu'ils ont des codes, ce qu'on appelle nous des codes ou des identifiants pour les documents, qui sont très cohérents. Donc nous, ça nous suffit. Après que nous, on recuisine ça pour notre cuisine interne, peu importe, c'est du nommage, il faut qu'il soit cohérent. Oui, c'est comme un codage de source en terminologie, quoi. Voilà, il faut, mais c'est cette cohérence qui est importante avant tout, effectivement. Mais à partir de là, on peut travailler. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que, par exemple, l'audio, dans ce cas-là, vous pouvez lui mettre des métadatas pour qu'on ne risque pas de de le confondre avec autre chose. Je ne pense pas qu'il y ait de risque de confusion. C'est-à-dire que nous, les premiers fichiers d'inventaire, au niveau le petit sommaire, après il y a des strates un peu plus compliquées, mais enfin, en tous les cas, au niveau premier inventaire, toutes ces données-là sont encapsulées avec le document sonographique tout au long de la chaîne de traitement. Du traitement au niveau de l'audiovisuel, j'entends par là la numérisation et le stockage dans une première archive qui est l'archive audiovisuelle. Après, tout ça bascule dans une autre archive qui est le système plus global de la bibliothèque, où là, donc, les métadonnées sont produites, qui identifient de manière absolument univoque le document. Mais le dépôt de fonds est intéressant aussi pour le chercheur. Ça va généralement, le traitement de son fonds dans notre catalogue aussi, dans une perspective de conservation de ces données. Parce que beaucoup de chercheurs gardent leur... Bon, là, ce qui nous concerne, c'est les enregistrements sonores, mais donc ils ont des bandes magnétiques plus anciennes, mais des cassettes audio, des choses comme ça, qui restent comme ça. Bon, ils en ont fait eux-mêmes des copies numériques, mais pas forcément sur des supports très pérenne, de bonne qualité. C'est aussi s'assurer que tout ce travail collecté sur 30 ans ou plus encore résiste autant qu'on peut. Donc c'est pour ça que le dialogue entre chercheurs et institutions est très important. En fait, il ne faut pas hésiter à aller de l'un vers l'autre et expliquer aussi que les fonds sont déposés, mais que le chercheur y a accès. C'est pas parce qu'il le dépose que il ne retrouvera pas ses supports et ses archives. En plus, c'est effectivement, comme vous dites, c'est multi-support. Hein. Mais vous avez l'audio, vous avez... C'est le propre de l'EAD, c'est que vous rentrez tout. Vous pouvez tout rentrer, alors qu'il y a des formats qui sont très spécifiques à certains supports. Mmh. Ici, vous décrivez tout, vous mettez tout en relation, tout est numérisé, conservé. Et l'intérêt aussi, ça, je réponds par rapport à des questions que quelqu'un m'avait posées, c'est que vous décidez qu'il y a des documents. Dans votre fonds, vous avez des documents un peu personnels. Je ne sais pas, vous êtes collecteur de comptes, vous avez des correspondances privées avec vos informateurs. C'est du domaine personnel, mais en même temps, vous souhaitez que ça soit conservé parce que ça explique comment vous avez établi votre contact, on vous a fait confiance, etc. Vous pouvez, par cet instrument, les rentrer, mais les laisser en interne. Et des documents qui sont diffusables avec l'accord. C'est ça qu'il y a un travail à faire, une discussion à avoir avec le déposant, c'est qu'aussi, il peut un peu paramétrer la visibilité de son fonds. Alors, si c'est pour tout cacher, ce n'est pas la peine. Mais des notions comme ça, oui. Une correspondance privée, pourquoi pas. Après, si c'est pour nous dire de non, je ne veux pas que ça soit diffusé à mon fils, bon, c'est pas très intéressant. Mais il y a cet aspect-là, oui. Et comment ça se passe pour les cassettes? Parce qu'évidemment, une cassette, elle n'est pas accessible en ligne. Donc, ce qui va être accessible en ligne, c'est la numérisation. Donc, on a le document et après, une espèce de... Selon la période, c'est que dans l'emprise de la Bibliothèque nationale. Hein. Alors, il y a la question de Gallica intramuros qui se posait, un Gallica axé avec un identifiant qui permettrait à distance... Gallica intramuros contiendrait des documents qui ne sont pas libres de droit. Et qui ne serait un Gallica qui serait accessible sur un identifiant, un code, il faut avoir une carte chercheur, etc. Donc qui permettrait quand même de consulter ces fonds sans force, si vous habitez à Toulouse, de devoir remonter à chaque fois sur Paris. Donc ça, je ne sais pas comment ça... Il y a deux choses un petit peu différentes, en fait. Il y a Gallica intramuros, enfin, par opposition à Gallica intramuros, qui doit donner la possibilité de consulter des documents sous droit numérisés dans l'enceinte de la bibliothèque. Et puis il y a par ailleurs une réflexion sur l'accès à distance aux ressources numériques auxquelles est abonnée la bibliothèque, mais c'est un petit peu différent, mais qui sont des licences. Et qui, ça ne veut pas dire que le Gallica intramuros sera accessible à distance. Parce que moi j'avais compris qu'évidemment ça avait été évoqué qu'on pourrait aider. Ce sera accessible que des ressources électroniques dont la licence est étendue à un usage à distance. Est-ce que lorsque on numérise, on a déjà quelques métadonnées dues à la numérisation? Est-ce que le travail qui est fait avec l'OAD peut être réinjecté dans les métadonnées incluses dans le support au cas où il circulerait Alors, ça, c'est une question un peu la fameuse question des capsules, qui, je ne sais pas comment c'est résolu pour l'UMED. Techniquement, je ne sais pas trop. Ça n'a d'intérêt. C'est le même système que l'email. En fait, au départ, vous allez numériser un document. Il va y avoir un minimum de métadonnées, style la date, le jour, bref. Tout ce qui est fait avec le AD, c'est l'information qui peut éventuellement, sous un format de métadonnées que j'ignore pour l'instant, être réinjectée dans le document lui-même, le document numérique, et pouvoir circuler avec toutes ces données embarquées. Grosso modo, la notice est dans le fichier son. Oui, on ne fonctionne pas exactement comme ça, mais ça pourrait effectivement, parce que nous, les métadonnées, elles sont plutôt, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, ce que j'ai dit dans un premier temps, les métadonnées, c'est un peu l'équivalent de domaine core, en fait, de niveau de description, hein, donc on ne va pas tellement plus loin au niveau de... Mais par contre, sur la réflexion... Oui, enfin dans l'absolu, on le pratique pas très clairement, dans l'absolu, rien n'interdit, effectivement. Oui. Comme les tags NP3. Oui, enfin à un autre niveau. Oui, effectivement, mais... là on aurait une richesse d'informations. Je réfléchis justement par rapport aux perspectives. Le problème, c'est que c'est des données qui sont embarquées, qui peuvent être modifiables. Donc ce qui est dommage, c'est que voilà, il faudrait que ce soit pérenne dans le document pour que une fois que ces données qui sont embarquées soient figées. Un petit peu comme la date de prise de vue pour une photo, ça on ne peut pas la modifier. Oui, tout à fait. Effectivement, de toute façon, là, c'est pas dans les pratiques. Mais je sais pas, compte tenu des évolutions, d'autres choses qui sont en cours de préparation, je ne sais pas exactement ce qui. Si c'est envisageable ou pas. On ne fonctionne pas sur ce type de métadonnées, en tout cas, pour le moment. J'ai une question de science-fiction complète, là. On peut faire des recherches par texte. Et est-ce que ça, c'est envisageable un jour d'envisager justement des recherches par son? Si on a un élément du document sonore qu'on veut trouver, est-ce qu'on pourrait rechercher le document par ce son? Ça, c'est... Non, dans le BAM actuel, je ne pense pas. Non, là, on est dans le BAM. Oui, c'est autre chose. C'est un bon programme de recherche. Oui, voilà, ça serait intégré des... C'est de la science-fiction. C'est... Ça serait plutôt intégré... Pas vraiment, parce que Shazam le fait pour les podcasts. Shazam, vous les disques, ils le reconnaissent. Mais c'est... L'intégrer dans le film. Ah oui, parce que c'est une film... Mais l'intégrer dans BAM, après, on dans un catalogue, oui, si je peux. À côté, oui. Mais après, après on peut renvoyer vers c'est une analyse du son. Après, renvoyer vers un support qui les contiendrait, pourquoi pas. Mais après, dans le BAM actuel, non, ici, on va décrire des caractéristiques d'un enregistrement, des choses comme ça, mais à ce point-là, là, on trouverait ça. Ça plutôt dans des laboratoires des films d'écologie d'analyse du son. Le CREM analyse le son. Par exemple, au centre de recherche en écologie, ils ont dans le Télémeta, ils ont cette analyse du son, etc. C'est des petits programmes spécifiques. Dans archiver manuscrits, c'est peut-être plus général quand même. Ça décrit avant tout un fond, ce qu'il contient, etc. Ça convient à tout le monde, à tous les types de fonds. Hein. C'est pas que pour le son, c'est pour les manuscrits, c'est pour les spectacles. C'est plus global. Alors, c'est la question des programmes d'objets numériques. Je crois que c'est Metz. C'est un format spécifique, je crois. Si quelqu'un s'y connaît, je veux bien le puits. Le MET, c'est un format plutôt d'encapsulation dans lequel on va pouvoir placer des éléments de description, des éléments de pérennisation. On va décrire ce que l'on place et on va faire le choix des encodages dont on a besoin pour décrire les droits, pour décrire la ressource, pour... C'est pas lié à la numérisation, parce que ça, on... Non, c'est lié à pas grand-chose. C'est lié à votre utilisation pour votre objet, vous avez besoin de décrire des facettes de cet objet, et vous avez une enveloppe qui correspond à une armoire où vous rangez dans des tiroirs des choses, et dans ces tiroirs vous allez pouvoir faire des choix de collage différents. C'est une enveloppe, hein, Metz. Et dans Metz, vous allez pouvoir mettre de l'EAD, par exemple, si vous voulez vous donner une description archivistique de vos fonds. Vous allez mettre la BNF met du prémisse, par exemple, pour le codage des informations de pérennisation, met du Dublin Core pour des informations de description assez générique. Voilà, ça permet d'aller piocher des codages à droite et à gauche et de les intégrer dans une enveloppe unique. Vous avez sur la page de la Bibliothèque nationale, toujours dans la partie professionnelle, vous avez une page consacrée à la description des formats. Il y a même fait d'intérêt là-dedans. Donc, et ce qui est utilisé, donc en fait, on peut suivre un peu près les formats utilisés à la Bibliothèque nationale. Ça, c'est moi, je vous dis, je suis utilisatrice. Je connais comme ça, après rentrer dans les détails. Utilisatrice avertie quand même. Donc. Moi, c'est plutôt la valorisation. Je vois comment je peux l'utiliser pour faire ce qui convient le mieux au fond. Après, le côté très technique, comme vous pouvez le décrire, etc., c'est vrai que moi, je ne suis pas informaticienne. Donc, Justement, j'avais une petite question sur votre dernier slide. Vous dites, vous écrivez que bah, y a une révision en cours de l'EAD. Comme vous êtes utilisatrice, vous avez peut-être eu la curiosité d'aller regarder si vous allez retrouver vos habitudes de codage dans... Alors c'est la question qui se pose, et ça, la réponse, on va l'avoir en août 2013, ouais. Vu que ça porte vraiment sur ça. Et pour l'instant, on n'a aucun écho. Est-ce que les utilisateurs sont intégrés dans la boucle? Ça, c'est ça, dans la chaîne des personnes, nous, on a des correspondants EAD et compagnie. Quand ils ont des informations, ils nous retransmettent. Mais c'est vrai que moi, pour l'instant, je ne sais pas du tout à quoi va correspondre. Ateliers jusqu'à la semaine dernière pour demander aux utilisateurs, justement, quelle était leur opinion sur les schémas qui étaient proposés pour organiser la réponse française. Nous, on n'a pas eu de, on n'a pas eu d'écho du tout. Ça m'est comme une question. On n'a pas eu d'écho du tout. C'est dommage. Et qui est-ce qui a organisé ces ateliers? Ben, c'était les Archives de France pour l'AFNOR. Ça, à mon avis, non. Ça, c'est nos correspondants qui y vont. Oui, donc et après, ils vont retransmettre. Non, à mon avis, Vincent Boulet et Mathieu, ils sont allés. Mais après, nous, y aller, nous, non. Personnellement, je n'ai pas eu d'invitation. Mais ça, c'est nos correspondants qui retransmettent. Nous, on va peut-être rester plus au niveau de nos besoins très particuliers. Mais effectivement, ça pose une petite inquiétude parce que déjà, il y a un guide qui vient de paraître sur les pratiques, etc. Donc, ça pose la question s'il va être très, très pérenne, peut-être pérenne très longtemps. Et effectivement, collègues et moi, dans le service, on est quatre à pratiquer, à cataloguer dans BAM. Pour l'instant, on n'a pas d'écho. Enfin, le but, c'est plutôt de répondre au slide qui était avant, qui était les petits défauts de AD, parce que vous avez insisté sur les qualités de AD. Oui, beaucoup. C'est très bien, parce qu'on trouve des fonctionnalités qu'on peut utiliser pour les besoins. Et puis, il y a quelques limites. C'est des limites liées à la technologie, liées à l'histoire, etc. Et c'est ces limites que l'on essaye de dépasser. Pour autant, il ne faudrait pas perdre les fonctionnalités dont on se sert jusqu'à présent. Et c'est ce qu'on se pose un petit peu comme question, parce que bon, ça fonctionne comme ça. Par rapport aux évolutions qui arrivent, c'est bon, c'est que le AD était la solution parfaite pendant 10 ans, la réponse à tout. Est-ce qu'elle le sera toujours C'est des questions comme ça. C'est très pratique. On valorise vraiment un fonds de recherche. Après, dans l'avenir de l'informatique, traitement, je sais pas plus. Quoi. Je sais pas si le AD sera utilisé à l'éternel. C'est ce qu'ils annoncent, un changement des TD. Je sais pas à quoi ça correspond. Donc, nous, on attend un petit peu qu'on nous retransmette un peu les modifications proposées, mais honnêtement, nous, on ne nous a pas communiqué les schémas proposés. Ce qui est dommage. Ils ont publié un... J'irai regarder sur les archives de France. Non, pas les archives de France, c'est l'association des archives de France. C'est la SFA, ouais. Là, d'accord. Il faudrait qu'ils vous consultent même en amont. Vous êtes les gros utilisateurs, les gros usagers sont. Nous, c'est comment dire, c'est fédéré quoi. Ça à l'intérieur de la bière. On a des représentants. Donc, il y a des représentants de la bière. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, depuis un an, on nous demande. Alors, c'est vrai que peut-être que ça apporte un peu plus sur notre outil à nous, nos fonctions, etc. Mais il y a un travail de fait depuis un an sur ce qu'on trouve comme fonctionner qui ne vont pas très bien, ce qui manque, ce qu'on souhaiterait, parce qu'il y a quand même pas mal de petites des choses qui pourraient être affinées, qui pourraient être un peu plus dynamiques. Et ça, on fait un espèce de listing de tout ce qui est à changer, effectivement, en fonction. Étant donné que août 2013, c'était un peu cette date, un petit peu, je pense qu'ils attendent avant tout pour voir comment ça va évoluer, mais c'est vrai que bon, nous on fait remonter, ça fonctionne un peu comme ça, on fait remonter et là c'est vrai qu'on attendait un peu cette date fatidique, mais c'est vrai que j'irai voir sur le site. Il y a plusieurs étapes, là aujourd'hui vous avez des versions bêta des schémas qui sont soumis à commentaires, les commentaires, on organise la réponse pour la France, les commentaires. Et les schémas définitifs sortiront plutôt vers le mois d'août, mais ça. Ce sera entre guillemets un peu trop tard. C'est-à-dire que là, on suffira à ce qu'on fait schémas. Oui. Si on veut agir, c'est entre maintenant. Il y a moyen d'accéder à ces schémas ? Ils sont publics sur une forge créée pour. Mais c'est vrai que ça, moi en tant qu'utilisateur, je suis un petit peu impuissante vis-à-vis de ça. Hein. C'est vraiment. Oui, il y a une coordination au sein de la BDF. Voilà. Mais par ailleurs, les éditeurs sont aussi au courant. Mais je sais. Moi, j'entends pas d'écho particulier. Est-ce qu'ils sont vraiment dedans et justement, ils ont. Mais je sais pas trop. En tant que simple internaute, puisque c'est public, essayer leur schéma et puis dire. En tant qu'internaute, ce que vous Je suis contente d'apprendre qu'il y a des schémas en libre accès. Oui, non, mais c'est ça. Déjà, c'est peut-être un petit peu cette question-là. Après, personnellement, je n'ai pas d'idée de comment ça va. Comment on va être notre format de travail, comment on va travailler à partir d'août, j'en sais rien. Non, c'est strictement rien. Côté un petit peu pragmatique de l'utilisateur. C'est qu'on a un petit peu. Mais c'est vrai que ça fait. On nous en a parlé de cette refonte de l'EAD. On nous en a parlé seulement en décembre dernier. Est-ce qu'au niveau du mode de consultation, on ne peut pas aussi imaginer autre chose que. Bon, moi, quand je vois ça, j'ai l'impression quand même que c'est plutôt ce qui se faisait avant. Je vous dis, ça fait 15 ans voilà. Que ça devait. On arrive en fin. Quand on voit un logiciel comme. Enfin, une application comme PearlTree. On se dit, avec plus des billes qui se renvoient les unes les autres, et donc un mode de consultation totalement différent, et vous avez toutes les données pour le faire. Bah, c'est pour ça que je vous parlais des évolutions, parce que l'EAD, on fait comme ça pour l'instant, est-ce qu'on fera encore longtemps ? Pour l'instant, c'est très pratique, en plus on a Data qui nous... remouline tout ça avec des formes. Non, mais Data serait dedans. Voilà, mais c'est par rapport à ça data, que ça reste de bougie. On n'a d'intérêt que si jamais il y a quelque chose, mais ça, vous n'y allez pas forcément. Si on vous le dit et si tout ça c'est déjà rentré dedans, et en trois dimensions, je pense que ça. Mais c'est effectivement, c'est pour ça que je disais, EAD, bon, c'est utilisé depuis 10 ans, 15 ans. C'est vrai que c'est déjà vieux. Ben proportionnellement oui, dans le domaine informatique. C'est après, c'est quand même ultra efficace. Enfin, ça rend des instruments de recherche consultables, exploitables. Cool, donc pour l'instant, c'est comme ça. Après, c'est vrai que c'est pas gravé dans le marbre. Effectivement. C'est vrai que si les gens s'imaginent qu'ils catalogueront toujours leur fonds de recherche sur Archive Manuscrit, je ne sais rien. Quoi. Audrey, avant de continuer un tout petit peu la discussion, j'ai juste une question. Est-ce qu'on est bien sur votre dernière... Oui, c'est fini. C'est fini. Je pensais que c'était... J'avais compris qu'il avait décidé que c'était votre dernière diapo. Ah non, non, non. Non, c'est fini, c'est fini. Voilà. Les projets logiciels dont vous avez parlé sont des logiciels libres. Les trois logiciels dont vous avez parlé. Pléiade est libre. Pléiade, c'est libre. Ouais. Vous pouvez vous procurer sur Internet. Il n'y a pas de souci. PixML, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit. Je ne pense pas qu'il soit libre. XMetal. Je ne crois pas non plus. PixML fonctionne avec XMetal. Je faudrait regarder sur les petites mentions. En tout cas, Pléiade, c'est sûr, c'est libre. Voilà. Les deux autres, je pense pas. Xmetal, on peut passer par un autre logiciel qui serait libre. La Bibliothèque nationale a choisi ces deux choses. Oui, mais si pas... on veut, par exemple, faire une indexation qui soit compatible avec celle de la Bibliothèque nationale, mais quel que soit le chercheur qui la fasse dans son coin. La seule chose qui fait qu'elle soit compatible, c'est que vous utilisez les bonnes balises. Les arcs. Votre référentiel, c'est les arcs. Les arcs. Enfin, les liens pérennes vers la notice, c'est ça votre point de référence. Si vous voulez utiliser un référentiel, la seule chose que vous imposez, c'est d'aller normer le titre pareil et d'utiliser l'arc. Donc on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes logiciels intermédiaires. Ça n'a rien à voir. C'est la balise, quel que soit le logiciel employé, elle a un sens. Enfin, c'est une balise d'indexation, quel que soit le tout. C'est si vous voulez que votre travail soit une validation officielle. C'est des référentiels nationaux ou pas forcément français, hein, d'ailleurs, vous pouvez choisir ailleurs, c'est pas de grandes bibliothèques, mais si vous voulez un peu normer, valider intellectuellement, professionnellement votre fonds, il faut mieux aller chercher des référentiels solides. Non, mais c'est ça ce que je dis, on n'a pas besoin de Xmetal. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, d'indexer, on peut indexer sans mettre de lien. Hein. C'est pas conseillé si on veut que son instrument soit. Mais on peut indexer sans lien. Hein. Vers une notice. Parce que ça créera toujours votre index. L'arc, c'est le côté très professionnel, très normé. Enfin, la référence vers une notice d'autorité, c'est le côté un peu plus formel, plus professionnel. Mais vous pouvez tout à fait indexer sans arc, sans rien. C'est moins bon. Je connaissais les URI. Mais ARC, c'est un peu pareil. C'est un lien pérenne qui est utilisé dans la Bibliothèque nationale, mais pas que Bibliothèque nationale. C'est un lien pérenne. Vous trouverez ce lien sur Gallica quand on renvoie vers une phase de disque. Ça, c'est un lien ARC. Voilà. C'est le lien utilisé ici pérenne. Alors, je sais. Il y a d'autres identifiants pérennes. La BNF a fait ce choix. Voilà. Il a été développé notamment par Californie, mais il y a d'autres identifiants, en tout cas c'est un identifiant pérenne. Une question, est-ce qu'il y a juste une remarque générale, parce qu'on est en train de dire bon, il y a une phase de l'AD, il y a d'autres choses qui arrivent, on ne sait pas trop où ça va, etc. Si on regarde un petit peu plus positif aussi, il faut penser que ce que je connais un petit peu d'archives sonores, en tout cas chez les linguistes, il y a encore beaucoup de documents qui existent sur bande magnétique, sur cassette, et qui sont liés à des documents passionnants, liés à des carnets de terrain ou à des feuilles. Donc il y a encore il y a de la marge pour un beau travail, et c'est quand même assez encourageant de voir qu'actuellement il y a un dialogue tout à fait possible. D'abord, il y a un travail pédagogique, donc ce que vous faites là, de donner de l'information vers des fois, ça peut de la recherche et cette volonté qu'on a toujours trouvée au sein des services des archives sonores. C'est une volonté qui remonte à l'origine, et ça, de travailler avec les chercheurs sur ces aspects-là. On voit quand même qu'il y a des réflexions avec les archives, avec les infrastructures actuelles du côté du ministère de la Recherche et du CNRS sur les infrastructures d'archivage en sciences humaines et sociales, qui se retournent aussi vers un dialogue avec les chercheurs pour qu'on ne soit pas dans un mécanisme et dans un ensemble de procédures qu'on ne maîtrise pas et qui ferait peur, mais plutôt dans une construction collective d'objets scientifiques et valorisés. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de l'EAD, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'un corpus scientifique, ce que vous avez collecté, vous en avez fait une thèse, une édition, quelque chose. Vous savez, des archives. Déjà, d'un corpus scientifique, vous passez vers un corpus archivistique de données conservées, numérisées, classées. Déjà, il y a certaines organisations de vos données. Et de ce corpus, vous passez à un objet qui est plus patrimonial. C'est-à-dire que ces enregistrements, ils ont une valeur scientifique, vous en avez fait une certaine utilisation, vous avez publié, etc. Mais ils ont aussi une valeur patrimoniale. Et ce genre de travail, aujourd'hui c'est sur BAM, EAD, etc. L'essentiel étant aussi d'ouvrir vos résultats, enfin les résultats, quoi, de les communiquer. Parce que de rester très. Sinon, ça peut rester restreint, non exploité. Quelqu'un peut. Ce qui est intéressant dans ce genre de traitement, c'est, je n'ai pas donné l'exemple, mais les fonds ont un genre, entre guillemets, d'emblée. On va dire que c'est un fonds d'ethnomusicologie, de langue, etc. Mais en fait, quand on exploite bien les fonds, on peut leur donner plusieurs clés d'accès. Je veux dire, un fonds, il n'est jamais que linguistique, il n'est jamais que. Vous trouvez, si vous savez exploiter votre fonds, vous trouvez d'autres points d'entrée. Par exemple, le fonds de Roumanie, bon, bah, c'est des chants, c'est de la musique enregistrée dans les différentes provinces de Roumanie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des discours parlés, notamment d'un ministre dont je me rappelle absolument pas le nom dans cet instant. Mais c'est intéressant parce que c'est un ministre qui a été. C'est une collecte qui a eu lieu en 28. Il a été enregistré en 28. Il a été assassiné 2 ans plus tard par la garde de fer. Quelqu'un qui travaille. Alors, ces enregistrements, ils sont documentés d'archives, de journaux d'époque, etc. Quelqu'un qui travaille sur la montée des identitarismes avant la Seconde Guerre mondiale, il apprend, s'il fait une requête globale dans le formulaire, il va tomber sur le nom du ministre, il va voir qu'il est contenu dans un fonds d'ethnomusicologie. Et il va savoir qu'il y a un journal qui parle de cette personne. Il va avoir des archives, des correspondances, des choses comme ça. Donc c'est aussi au niveau de la recherche, mais du public, ça permet de vraiment valoriser les fonds. C'est que le fonds Massignon, par exemple, il peut être perçu d'abord sous le jour conte, mais il y a aussi les chants, puis il y a les enquêtes linguistiques, et puis il y a la dimension humaine de la méthode de collecte, l'histoire du collectage, le rapport du collecteur avec l'informateur, quelle technique de collecte, quel rapport. Vous avez les fonds, si vous savez, ce recul, cette analyse des documents, vous leur faites. Alors, si j'aime pas le terme leur faire dire, parce que justement, il n'y a pas à faire dire, mais vous mettez jamais une donnée, une perception personnelle du fond, mais par une indexation, par des renvois intellectuels, vous créez un instrument de recherche et pas seulement sur le domaine sur lequel on le croit restreint. Vous ouvrez vraiment. Et le formulaire de recherche global, ça peut permettre de rebondir et d'arriver à des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Et ça, dans les fonds historiques et les autres fonds du département du son, c'est très fréquent. Vous avez, si vous savez souligner par les moyens que vous avez, que ce soit les index, les liens, des choses comme ça, si vous avez des réflexes pertinents sur l'encodage de vos informations, sur comment vous les faites rebondir, etc., sans donner une interprétation personnelle, vous pouvez ouvrir des champs des perspectives aux gens qui les consultent. Et en plus, en renvoyant directement sur les numérisations, etc., vous en faites quelque chose, effectivement, de plus accessible au public. Et ce qui est assez intéressant avec Data, c'est que c'est quelque chose de moins complexe que des formulaires de recherche, choses comme ça. Et je pense que les gens vont arriver à l'inverse, finalement. Parce que le chercheur, il va passer par le portail officiel de son site. Quoique, beaucoup, maintenant, on fonctionne beaucoup en tapant dans Google avec ce qu'on veut précisément, et il y arrive direct. Mais bon, là, ça va peut-être un peu fonctionner à l'envers. Les gens, ils vont arriver peut-être sur l'image d'abord, le son. Et après, Data leur dit que c'est sur archive. Donc, ils vont aller sur archive. Et là, ils vont bénéficier d'une description. Donc ça va peut-être un petit peu fonctionner à l'envers. Et c'est vrai que pour la dimension plus patrimoniale, l'image, le son, etc., entre guillemets, c'est quand même beaucoup plus porteur que des descriptions un peu sèches. Ça, mais... faire des recherches par son... Et d'ailleurs, un des petits points faibles d'archives et manuscrits actuellement par rapport à d'autres sites qui sont décrits en EAD et sur Pliad aussi, c'est si vous ne passez pas par ce chemin de Gallica, quand vous êtes dans l'archive et manuscrit, vous avez remarqué que vous n'avez pas d'image. C'est des liens. C'est pour quelqu'un qui n'est pas professionnel, chercheur, etc., ça donne moins envie d'aller chercher. Donc ça va évoluer aussi. Alors je ne sais plus comment ça va se faire dans l'ordre des événements, mais par exemple, les manuscrits ont toujours eu la base Mandragore de numérisation de tous les manuscrits avec des descripteurs, etc. Là, et ça va se faire, c'est sûr, ils vont intégrer l'image. pour les manuscrits. Donc, nous, on va se greffer dessus. Et l'idéal serait qu'à la place de ces jolis petits liens bleus, on ait des carousels de prévisualisation du disque. Cliquez sur une jolie petite étiquette, parce qu'en plus, ce sont des fonds où vous avez des magnifiques collections d'étiquettes rares, de pâtés, qu'elles viennent de Russie, d'Inde. Vous avez des étiquettes absolument magnifiques, des pochettes très très belles aussi, où on voit que la pochette avant était le support publicitaire aussi de la maison. Et vous avez, et ça Bruno pourrait vous raconter des choses dessus, c'est ça aussi ces fonds. C'est pas que des collectes ou des démarches scientifiques, c'est aussi une histoire de l'enregistrement sonore, du support en lui-même, du matériel qui l'accompagne, quelque chose de très très esthétique aussi. Hein. Les photographies de l'expo de coloniale sont absolument magnifiques, je vous invite vraiment à aller les regarder. Les enregistrements sont très très beaux et très émouvants parce que c'est des gens. Enfin, si vous lisez un peu l'histoire de l'expo coloniale, c'était des contextes particuliers d'enregistrement. Et vous avez des chants d'enfants, vous avez des vrais, pas du folklore arrangé pour un collecteur, c'est du. Voilà, et ça je vous invite vraiment à les consulter. Il y a cette dimension vraiment patrimoniale des fonds qui est quand même relevée avec archives et manuscrits. Et ce classement quand même donne une lecture un peu plus facile qu'une masse de notices sur catalogue général. Donc je ne sais pas comment ça évoluera, mais en tout cas déjà là c'est quand même une très bonne valorisation de ces fonds, accentuée par data. Merci.